Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le franc CFA, histoire de la dernière monnaie coloniale. Une histoire d'argent, bien sûr, mais aussi une histoire de liberté et d'indépendance, ou alors de contrainte et de dépendance. Une histoire qui nous conduit bien avant la Seconde Guerre mondiale dans les colonies françaises d'Afrique. Une histoire pleine de surprises. Que les âmes sensibles ferment les yeux. Les images qui vont suivre sont terriblement éprouvantes. Et oui, il s'agit bel et bien d'authentiques billets de 100 francs. Vous êtes dans l'imprimerie de la Banque de France à Chamalières, l'un des lieux les plus sensibles de notre pays. En une seule opération, le papier blanc est transformé en un beau billet bien sonnant. Les fiancés d'Auvergne, pour commencer cette émission sur le franc CFA, parce que, étonnamment, cette histoire de franc CFA nous conduit à Chamalières, en Auvergne. Bonjour, Martial Zebelinga. Bonjour. Pourquoi Chamalières en Auvergne, dès qu'il est question du franc CFA? C'est là où ils sont imprimés? C'est tout simplement parce que c'est là où les francs CFA sont imprimés actuellement. C'est une imprimerie de la Banque de France. Et donc, cette imprimerie est devenue un peu un point de focalisation qui a animé un certain nombre de débats et de contestations de la part d'intellectuels, de militants, autour de cette question du franc CFA. Avec quelque chose de très symbolique, d'ailleurs, le fait que le franc CFA, donc, qui est utilisé en Afrique, soit imprimé en France. Cela montre encore cette longue histoire qui unit, de manière monétaire cette fois-ci, la France et tous ces pays d'Afrique. Ah ben, ce qui est certain, c'est que chaque Africain de l'espace dit zone franc, comme on disait à l'époque, qui touche à un billet de franc CFA, ben, il est en contact avec le Puy-de-Dôme, il est en contact avec Chamalières. Après, y a des raisons qui peuvent être objectives pour l'externalisation de l'impression des billets. Ça existe dans le monde entier. Mais dans le cas du franc CFA, ça donne l'impression d'un déficit de discontinuité. Quand on parle d'indépendance, d'émancipation, il y a un moment donné où on doit voir, on doit lire, on doit percevoir des discontinuités. Et quand on passe des années 60, alors des années 40, mettons, aux années 60, c'est-à-dire, en gros, on passe d'une situation où on était des colonies formelles, avec différents statuts, à des sociétés indépendantes, on s'attend à voir un peu plus de discontinuité. C'est peut-être pour ça que ce lieu a cristallisé à un moment donné les manifestations, les militants qui sont allés faire des manifestations, exprimer leur désaccord. Je pense que c'est en ce sens que Chamalières est assez emblématique des critiques qui portent sur le franc CFA, sur la forme, donc sur la fabrication, mais également sur le fond. Continuité, discontinuité, c'est concordance, discordance des temps toujours. Et pour le franc, c'est la question. Martial Zebelinga, il faut commencer cette histoire de la monnaie utilisée en Afrique en lien avec la France, bien avant la Seconde Guerre mondiale, du temps des colonies. D'ailleurs, quelle était la monnaie utilisée dans les colonies françaises? C'était la même monnaie utilisée qu'en métropole? Alors, c'est une histoire plus longue que ce qu'on ne voudrait dire, et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il faudrait regarder un petit peu avant la création du franc CFA en 1945. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'empire colonial français, le colonialisme français, s'implante avec sa monnaie et ses monnaies. Au 19e siècle déjà, 1820, 1825, ce sont des jetons coloniaux, etc. etc. C'est très logique, hein, avec les grands empires anciens, la Grèce, etc. On voit bien qu'il y a une relation entre l'empire, son économie, sa puissance et souvent sa monnaie. Donc, en ce sens-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça, il faut comprendre que la domination monétaire commence dès le 19e siècle avec les jetons coloniaux et à peu près 1820 par là. Et puis progressivement, les autorités françaises, les administrateurs coloniaux, les intérêts économiques français vont expulser les monnaies locales et les monnaies endogènes. Avant, on est là, on est dans une période avant le franc CFA. Cette expulsion se fait par interdiction. On interdit, par exemple, les courriers. On oblige à avoir un cours forcé. À cette époque-là, c'était pas le franc CFA. Ce sont des francs coloniaux qui sont en général à parité avec le franc métropolitain, mais qui sont quand même des francs coloniaux. Donc, progressivement, entre le 19e siècle et 1945, on va avoir le développement d'une espèce de démonétisation des monnaies anciennes, hein, les barres de fer, barres de cuivre, les manilles, les coris, etc. Les coquillages. Tout ça va être progressivement démonétisé au profit de la monnaie, des monnaies françaises, qui en réalité prennent possession de l'espace économique et je dirais géo-humain africain, avec l'économie d'abord de traite, puisqu'on est encore au départ, on est dans la traite, et progressivement avec l'économie coloniale. Donc la monnaie fait rentrer ou joue dans une espèce de jeu de complémentarité, elle fait rentrer l'économie, elle fait rentrer l'empire. L'objectif de tout ça, évidemment, déterritorialiser les ressources africaines dont l'empire a besoin, puisqu'il prend possession des terres africaines, et faciliter les relations économique, politique, militaire, entre l'Empire, le centre de l'Empire, dans la métropole, et ses colonies. Voilà, en expliquant comment l'Empire impose sa monnaie, c'est bien à vous de rappeler qu'il existait des monnaies avant l'arrivée des Européens en Afrique. Non, mais c'est important de le dire, parce que cette volonté d'effacement, on l'a bien connue. Hein. Oui, c'est même, je dirais, en quelque sorte, une forme d'épistémicide. C'est-à-dire que quand on discute aujourd'hui sur les questions monétaires africaines, et en particulier sur le franc CFA, on fait comme si il n'y avait rien avant, comme si on était dans un vide monétaire, alors qu'il y a toute une histoire monétaire africaine bien, qui est millénaire. En Égypte, on connaît le Tchad, le Dében, en Nubie, à Tombouctou, on échangeait à partir de la poudre d'or. On avait une espèce d'étalon or avant les talons or. Ensuite, on a eu des monnaies comme les coris. Si on prend le royaume du Congo, où il y avait des coquillages qu'on appelait des Nzimbu, qui avaient une particularité, c'est que la royauté y tenait tellement qu'on cachait les lieux. Les lieux d'où ces coquillages provenaient étaient tenus au secret. C'est comme une espèce de politique monétaire secrète, discrétionnaire. Et là, on est encore au XVIIe siècle. D'où l'interrogation, d'ailleurs, d'un certain nombre de chercheurs, à savoir, mais si au XVIIe siècle, au XVIe siècle, au Xe siècle, les Africains étaient capables d'avoir des politiques monétaires autonomes et endogènes, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, ce ne soit pas établi, en tout cas pour ce qui est des pays dits de la zone franc? Eh oui, parce qu'ils avaient bien compris que s'il y avait trop, si on prend les coris de coquillages, ça ne marchait plus dans l'économie, il fallait limiter toute cette circulation. Martial Zebelinga, du temps de la colonisation, il y a cette monnaie imposée par le colonisateur, qui est donc une monnaie créée spécialement pour les colonies, ou c'est le franc qui est utilisé à Paris ou à Chamalières ou n'importe où en France qu'on retrouve dans les colonies? Alors, c'est créé spécifiquement pour les colonies au départ, ce qu'on appelle les jetons coloniaux, donc c'est des monnaies qui sont créées pour les colonies, mais on va avoir à un moment donné des monnaies qui appartiennent aux deux espaces. C'est le franc métropolitain qui a cours légal également dans les colonies. Hein, donc on a une période avant 1945 où on peut trouver dans les colonies du franc métropolitain, mais on peut trouver aussi des jetons coloniaux. C'est relativement, je dirais pas divers, mais il n'y a pas encore cette logique d'avoir une monnaie totalement spécifique comme le franc CFA. Après, il faudrait dire que l'empire colonial français est vaste et il y a différents statuts dans l'empire colonial français. Si vous allez, mettons en Indochine, c'est pas tout à fait la même chose. La Banque d'Indochine va laisser les monnaies locales en les associant, disons, en les dirigeant, disons, par la Banque de France, mais en laissant quand même les monnaies locales qui existaient déjà et qui vont continuer à avoir leur existence, tout en étant liées à la Banque de France. Vous avez des protectorats, vous avez des pures colonies, vous avez des territoires qui sont des territoires sous mandat, hein, comme le Cameroun et le Togo. Donc, dans la plupart de ces cas, il y a quand même des situations plus ou moins exceptionnelles, plus ou moins particulières, disons. Mais globalement, la tendance, ça va être d'avoir une monnaie ou le plus possible ce qu'on va appeler l'unicité monétaire de l'Empire, avec évidemment des écologies plus ou moins différentes, avec cette constante de chercher à faire en sorte que la monnaie ou les monnaies de l'Empire puissent circuler d'une part et d'autre de l'Empire. C'est ça la logique de fond, et qu'il y ait en gros un espace monétaire pour l'Empire. C'est ce trait qui domine, je dirais, avant 1939 et 1945. Aussi. Oui, parce que 1939, c'est à ce moment-là que est mis en place, en tout cas de manière intellectuelle, le franc CFA. Il ne peut pas être appliqué tout de suite parce qu'on le sait, il y a la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre 1945. On est bien avant l'idée même d'indépendance ou d'autonomie. C'est une volonté du colonisateur de mettre en place cette monnaie. Au-delà même de dire ces espaces-là vont pouvoir bénéficier d'une monnaie à eux. C'est un marché commun à l'intérieur de la colonie, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que le colonisateur est intelligent. C'est-à-dire qu'il regarde la situation des différents territoires et il se dit quelle est la meilleure façon d'organiser mon territoire, de faire circuler les marchandises, les êtres humains et des différentes ressources. Il se trouve que après la Deuxième Guerre mondiale, la situation des colonies africaines est totalement différente de la situation en métropole où l'inflation est extrêmement élevée et où on ne peut plus avoir exactement la même monnaie. Hein, on ne peut plus avoir la même monnaie, sinon ceux qui sont en Afrique, et les administrateurs, le personnel colonial, se trouvent quelque part floués. Donc, il faudrait casser cette unicité monétaire et avoir des francs coloniaux. Donc, c'est la même logique, en fait. C'est toujours là une logique de maintenir, en gros, l'Empire, au mieux, les intérêts de l'Empire. Sauf qu'à ce moment-là, la réalité économique, liée donc à l'après-guerre et au changement, notamment de Bretton Woods, implique des monnaies différentes, on va dire. Qui restent liées les unes aux autres, c'est-à-dire que le franc CFA, même quand il est créé en 1945, il reste lié au franc français par une parité fixe. Vous venez de citer les accords de Bretton Woods, 1944. Oui, il y a un nouveau système financier international. Donc la France doit se plier à ça, exactement. Même pour ses colonies. Mais pour elle-même et pour ses colonies. Et donc elle va déposer ses parités officielles en 1944-1945. Et en le faisant, elle doit ajuster les monnaies de l'Empire, en fait. Et c'est en ce sens-là, et c'est à ce moment que l'opportunité ou la nécessité de casser l'unicité monétaire apparaît, mais c'est une cassure pour garder précisément l'unicité monétaire. Et c'est vrai qu'il y a eu même des débats en France, et tout le monde n'était pas d'accord. Certains disaient, oui, mais si on fait deux monnaies, une monnaie pour la métropole, une monnaie pour les colonies, ça risque justement d'éloigner les colonies. Et d'autres disaient, non, ça va être un moyen de garder les colonies proche de la métropole, parce que justement, il faut une reprise en main, il faut reformaliser le rapport aux colonies, etc. Et c'est cette deuxième position qui a eu le dessus. La direction, les colonies, puisque nous sommes en 1948, précisément le Sénégal. Laissons aujourd'hui la rue de Dakar si vivante, avec la démarche digne et parfois majestueuse de ces Africains et de ces Africaines. Laissons tout cela et tentons d'évoquer les grands problèmes qui se posent aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, à l'Afrique occidentale française. Lorsque j'arrive en Afrique noire, on se plaint de la dévaluation du franc colonial, qui a suivi, comme vous le savez, celle du franc métropolitain, tout en conservant sur lui sa prime de 70%. Contre cette baisse du franc et le risque de hausse générale qu'elle pouvait comporter, le haut commissaire a réagi par la création d'une caisse de réajustement qui prélève une part des bénéfices exceptionnels des exportateurs et maintient avec le produit de ces recettes le prix des principales denrées importées. À maintenir le commerce, l'importation, l'exportation, c'est en 1948, et oui, réelle archive ancienne de Pierre Paraf, un journaliste qui raconte son voyage au Sénégal et qui nous fait passer par Montpellier. Bonjour Olivier Vallée. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, toujours dans cette quête que nous avons aujourd'hui dans le cours de l'histoire, de comprendre l'histoire de ce franc CFA, avec déjà simplement la définition de ce CFA, parce que franc, on comprend bien, mais le CFA, il signifie quoi ? Le CFA signifie, comme l'a répété à plusieurs reprises Martial Zebelinga, la tâche coloniale d'abord. Donc c'est le franc colonial d'Afrique en 1945, qui devient en 1958, avec le général de Gaulle et la communauté entre la France et les pays colonisés qu'il entend instaurer, le franc de la communauté africaine. Donc, je tenais à rappeler quand même que le CFA est une monnaie gaullienne. C'est d'abord la caisse française libre installée à Brazzaville qui va émettre les premiers francs CFA. Et c'est rattaché également un peu à toute l'ambition gaullienne de réhabiliter le franc après les années terribles qu'il a connues depuis l'époque de Poincaré. Le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA, c'est vrai, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale et le général de Gaulle est au pouvoir. Et le franc de la communauté française d'Afrique, CFA, ça tombe bien, on n'a pas besoin de changer les sigles, c'est 1958 et c'est toujours le général de Gaulle. Dites-nous, Olivier Vallée, dans quel ambition, pour compléter ce qu'a dit Martial Zebelinga, le général de Gaulle met en avant cette monnaie. C'est gaullien, bien sûr, hein, mais ça s'inscrit dans une lecture plus vaste de la volonté de la métropole, des colonisateurs, de mettre en place un grand marché. On est toujours vraiment là dans une longue continuité de rendre efficace l'Empire. Pour ce qui est du marché, ce n'est pas véritablement une préoccupation de l'équipe qui est derrière De Gaulle en 1945 et qui travaille très très vite et je trouve relativement avec une certaine efficacité. De Gaulle a une ambition monétaire qui est d'abord une ambition monétaire pour la France et pas pour l'Empire et il va se servir de l'Empire. Il faut revenir à la création du FMI en 1945. Les idées de Keynes sont encore très importantes. Le dollar n'a pas complètement remporté la partie. Et l'idée de Keynes d'un bancor, c'est-à-dire d'un étalon qui serait basé sur la plupart des grandes matières premières disponible à l'époque et nécessaire au fonctionnement de l'économie. Je pense au pétrole, mais aussi au café, au coton. Donner un avantage à l'Empire français et en particulier à l'Empire français d'Afrique. Et quand on a donné les droits de tirage spéciaux à la France, on a intégré tous les pays de la zone franc. Donc il y avait un pouvoir de la France au sein du FMI qui était relativement surdimensionné par rapport à ce qu'était l'Hexagone lui-même au sortir d'une guerre qui avait été terrible en termes de destruction, où le rationnement a duré, puisque vous avez mentionné 48, au moins jusqu'en 48. Donc c'est un relatif coup d'éclat grâce à l'atout de la zone franc qui donne à la monnaie française un certain pouvoir et qui va d'ailleurs permettre pendant longtemps d'avoir un directeur général du FMI qui soit français. Autre élément également que je rajouterai pour montrer de quelle façon la zone franc participe pas simplement d'un rapport colonial et d'une volonté d'extension de marché, parce que De Gaulle, dès 58, a déjà des ambitions que vous connaissez, qui sont plutôt européennes qu'africaines. Mais ce qu'a permis jusqu'en 1968, et depuis ce n'est plus le cas, c'est que les réserves monétaires qu'accumulaient les pays membres de la zone franc, je parle surtout de l'Afrique que je connais mieux, permettait aux réserves françaises globalisées, c'est-à-dire intégrant celles des pays africains, de ne pas être déficitaire. Donc les actifs de la Banque de France étaient nourris à cette époque, je précise que ce n'est plus le cas, par les réserves des pays africains de la zone franc. Voilà, donc un poids très fort de la France grâce à cette zone franc et franc CFA, monétaire, géostratégique. Martial Zebelinga, plus dans ses premiers temps, donc dans ces années 1950, on a un franc CFA qui est surévalué par rapport au franc. Il y a une vraie volonté de rendre attractif le marché du franc CFA de façon à favoriser aussi toute l'économie de la métropole. C'est une réflexion globale, ce n'est pas simplement pour l'Empire. C'est pour l'Empire, mais en faveur de la métropole. Alors, ce qu'il faudrait dire, et là où je suis d'accord avec Olivier Vallée, c'est que le franc CFA, nous l'avons dit, comme toute monnaie, déjà, c'est un fait social total. Mais plus encore, dans ce cas, c'est quand même, j'ai appelé ça un actif géopolitique par ailleurs, on voit bien que il n'y a pas qu'une fonction qui est assignée au franc CFA. On voit qu'il y a la position de la France. Certains vont défendre, par exemple, le franc CFA en disant ça permet, par exemple, d'avoir une position géographique à la France. La Grande France, hein, ça permet d'avoir une position géographique qui fait qu'on soit entièrement sur l'Afrique de l'Ouest et puis en grande partie sur l'Afrique centrale. Ça donne un avantage sur les États-Unis, ça donne un avantage sur l'Angleterre, etc. Donc, il y a une dimension géostratégique qui est évidente. Il y a la question des réserves qui est également évidente puisque le franc CFA va permettre une économie de réserves extrêmement importante puisque au lieu pour la France d'acheter quelque part des dollars, etc., etc., eh ben, elle va acheter des matières premières qui progressivement vont coûter assez cher. Elle va les acheter avec sa propre monnaie. Donc, elle réalise une économie de devises de ce point de vue. Ce que je voudrais dire en cela, c'est que effectivement, le franc CFA joue un rôle beaucoup plus important que la simple question de, disons, des matières premières, etc. Mais c'est toujours au profit d'une ambition géostratégique française, géostratégique importante. Donc, effectivement, le franc CFA et les pays de la zone franc qui vont apporter leur voix à la France, à l'ONU, etc., ou alors vont contribuer à donner du pouvoir à la France dans les institutions internationales, ça fait partie, effectivement, des intérêts que la France très vite voit dans le franc CFA. Cela dit, certes, il y a une vision gaullienne derrière le franc CFA, puisqu'il est créé, c'est De Gaulle qui signe finalement le décret, mais il y a quelque chose de plus ancien et qui est plus français quand même. Parce que vous voyez bien que les Britanniques, ils ont la zone sterling. Bon, quand la colonisation est terminée, les pays prennent assez naturellement leur monnaie et puis ça ne fait pas plus d'histoire que ça. Or, la France va, dès 1921, la France va développer des comptes spécifiques, un rapport particulier aux différentes colonies, qu'on va appeler plus tard comptes d'opération, mais c'est déjà en 1921, il y a plus d'un siècle. Et il y a encore des comptes d'opération avec l'Afrique centrale aujourd'hui. On parle d'émergence, mais bon, c'est un peu étonnant. Alors, parenthèse levée, il y a une particularité quand même française, un savoir-faire français, une vision particulière de la France dans son rapport aux colonies et dans son rapport même à l'économie. Où il faudrait souvent avoir des dispositifs particuliers. C'est pas le marché, ce ne sont pas les agents économiques, ce ne sont pas qui vont entre eux trouver des procédures. Il y a toujours ce côté étatique qui va inventer des instruments. Et le franc CFA fait partie un peu de ces particularismes-là. C'est aussi, je crois que c'est aussi important de le noter, tout en comprenant que ce franc CFA va avoir l'empreinte du général de Gaulle au sortir de la guerre, avec le contexte de sortie de guerre où la France est détruite, la monnaie française est dévaluée plusieurs fois, perd sa valeur, etc. Et c'est cette perte de valeur qui fait que, justement, il faudrait, pour accepter que pour la métropole, que le franc colonial soit plus élevé, soit ait une valeur plus importante. Deux fois, il a fait deux fois la valeur du franc métropolitain à un moment donné. Hein, le franc CFA, vous aviez un franc CFA, on vous donnait deux francs français. Ah, ça, c'était en 58, ouais. avant qu'on arrive en 48, avant qu'on arrive au nouveau franc. Le général de Gaulle, qui met en place le franc CFA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne reste pas longtemps au pouvoir, mais le franc CFA, lui, reste. Qu'en est-il de cette monnaie au tout début des années 1950? Eh bien, la parole au ministre de la France d'Outre-mer, François Mitterrand. Ce franc CFA a fait l'objet, au cours des années précédentes, d'un certain nombre de polémiques. Mais la situation est acquise, le système économique et financier joue. Je crois que ce serait provoquer de graves et inutiles désordres que de revenir sur ce qui a été fait et qui, sur bien des points, est fructueux. C'est pourquoi je peux vous dire tout de suite que il n'est pas question de modifier les conditions d'existence du franc CFA. Même si la situation financière dans la métropole devenait plus tendue, plus sévère. Au cas où le problème se poserait en France, je conseillerais pour ma part de ne pas réviser le système existant outre-mer. Je crois que ce serait fâcheux, il va de soi que... À conditions politiques déterminées, je ne puis faire le prophète sur les conditions que j'ignore. Elle est belle, cette archive de 1951. On dirait qu'il y a un cœur qui bat derrière. C'est François Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, qui dit « Non, j'ai pas envie que la situation bouge. » Martial Zebelinga, il n'y a pas besoin que ça bouge. On a une vraie continuité dans cette histoire du franc CFA. Malgré tout, la situation économique évolue. Enfin, ça veut dire qu'on est obligé de faire sans cesse des ajustements dans cette histoire-là. C'est une grande particularité, je crois, qui se trouve aussi dans le, on va dire, dans les représentations du monde de l'élite française de cette époque-là, mais avec une très grande force, j'ai envie de dire, de transmission de ces représentations. Vous entendez François Mitterrand, pour lui, il utilise le terme. Il n'est pas question de modifier. Pour lui, il n'est pas question. On parle d'une institution, on parle d'une monnaie qui nécessairement évolue avec son temps. On est passé de l'étalon or à l'étalon dollar, et plus tard, c'est vrai, c'est encore dans les années 50, mais il va encore avoir beaucoup de modifications dans le système monétaire international. Pourtant, on a un ministre qui dit, un futur président, qui dit en fait, il n'est pas question de bouger. Et quand il deviendra président, eh bien, c'est avec cette même représentation du monde. On a une position en Afrique, bon an, mal an, il faudrait qu'on la garde. Il y a aussi de ça dans cette permanence du franc CFA, alors de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est la permanence qui nous intéresse dans cette histoire du franc CFA dans le cours de l'histoire. Olivier Vallée, c'est vrai qu'en 1958, alors le franc CFA change de nom, on l'a dit, hein, c'est celui des colonies françaises d'Afrique, et maintenant c'est celui de la communauté française. D'Afrique, mais ça ne change pas grand-chose. Si, il y a quand même une différence fondamentale dans cette évolution du franc CFA, et l'archive que vous nous avez fait écouter est particulièrement intéressante parce que elle montre que les politiques n'ont aucune prise sur ce franc CFA. Et en particulier François Mitterrand, qui n'avait aucune connaissance économique. Il est en train de tenir une langue de bois assez invraisemblable sur un thème qu'il ne connaît pas. Et il fera ça pendant toute sa vie, y compris quand il est président. C'est une période que j'ai particulièrement bien connue. Et il a fait une annonce... juste avant la dévaluation, qui était l'annulation d'un tiers de la dette des pays africains. Donc cela était très populaire. Et les gens du Trésor lui ont demandé, Monsieur le Président, un tiers, c'est quoi? C'est un tiers des intérêts, un tiers du capital, un tiers du service de la dette, un tiers du stock. Et il leur a répondu, un tiers est un tiers. Et pendant toute la période de la gouvernance de Mitterrand, on a une véritable dérive imaginaire de ce qu'est le franc CFA. Une partie des critiques du FMI, y compris des économistes français, ne comprennent pas pourquoi le FMI veut dévaluer le franc CFA. C'est attribué à une volonté américaine de destruction de l'espace français. On a l'ambition de faire adhérer le Ghana à la zone franc. Il y a véritablement une vision qui est une vision néo-impériale de la zone franc comme espace de protection par rapport au marché international. Donc il y a vraiment toujours, plutôt chez Mitterrand, un souci d'adaptation idéologique, et chez un certain nombre d'économistes français, avec un refus de considérer que chaque pays a une trajectoire particulière en matière économique et sociale au sein de la zone franc, et que cette homogénéité voulue par un certain nombre de règles d'encadrement, de fonctionnement, etc., va finir par s'écrouler, ne serait-ce que par l'endettement croissant de ces pays africains de la zone franc dès la fin des années 50. Une bonne partie de l'endettement, au lieu d'être un endettement public, va être un endettement commercial des pays africains, ce qui va les mener dans les années 80 à la terrible crise de la dette que connaît la Côte d'Ivoire, et qui va jouer d'ailleurs dans une partie de la destruction peu à peu des économies coloniales. Martial Zabelinga, mais ce qui m'interpelle dans notre discussion tous les trois depuis le début de l'émission, c'est que le moment décolonisation, eh bien, est passé. Nous parlons de François Mitterrand, ministre sous la 4e République, et puis de François Mitterrand, président de la République. Mais entre-temps, quand même, il y a eu ce moment majeur des décolonisations au début des années 1960. Qu'est-ce que le franc CFA fait dans cette histoire? C'est-à-dire que tout reste comme si ça ne changeait pas. Il y a, au moment de l'indépendance, une discussion. La plupart des pays ont conservé cette monnaie? Alors, précisément, le franc CFA, en tant que franc CFA, c'est vraiment le lieu d'observation de quelque chose d'absolument inédit. Dans tous les pays du monde où il y a eu des décolonisations, où il y a une indépendance, les Américains par rapport aux Anglais, en Inde, et puis les pays anglophones, et puis les pays d'Afrique du Nord. Eh bien, l'indépendance a entraîné en général des monnaies locales. Ce n'est pas un besoin esthétique, ce n'est pas. Mais il y a quelque chose de très anthropologique aussi dans le pouvoir, dans cette idée de battre sa monnaie, d'avoir ses institutions, etc. Et il se trouve que en 1945, disons, je prends l'axe des réserves. Toutes les réserves d'échange sont centralisées au niveau donc du trésor. C'est normal, on va dire, ce sont des colonies. On est en 45. En 60, toutes les réserves d'échange restent centralisées au trésor public. Jusqu'aux années 72, quand même. Jusqu'aux années 1972. C'est-à-dire qu'en gros, les pays africains de la zone franc qui souhaiteraient acheter, mettons, des biens et services en dehors de la zone, donc importer, ils doivent aller demander au trésor public, ils doivent demander leurs réserves pour pouvoir faire des achats à l'extérieur alors qu'ils sont déjà indépendants depuis une décennie. Vous voyez un petit peu. Cette dimension-là montre à quel point il était extrêmement difficile, en toute objectivité et en toute praticité, pour les dirigeants aux commandes, entre guillemets, d'accepter ce système-là. Donc, en gros, oui, il y a un problème avec le franc CFA, mais il y a un problème particulièrement avec les pays d'Afrique subsaharienne, puisque la Tunisie sort de la zone franc, le Maroc sort de la zone franc, l'Algérie sort de la zone franc, les pays du Mékong, les pays d'Indochine sortent de la zone franc, la Syrie, le Liban. Mais par contre, c'est extrêmement difficile pour les pays subsahariens de sortir de la zone franc, si on enlève plus tard la Mauritanie et Madagascar au début des années 70. Et oui, non, mais tout est contrôlé effectivement par la France, mais c'est une monnaie. On comprend qu'il faut une institution centrale pour imprimer les billets, savoir tout ce qui peut circuler en liquidité et qui conserve dès lors les réserves. Vous avez cité l'année 1972. Et bien cette année-là, il y avait un dialogue, disons, difficile entre Monsieur Eyadema, le président de la République togolaise, et Monsieur Pompidou, le président de la République française. À l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidéré. Nous pensons en effet que cette parité, qui est actuellement de deux anciens francs français pour un franc CFA, ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Nous sommes disposés pour notre part à toutes les évolutions, à toutes les facilités, sous une réserve cependant. C'est que l'indépendance, c'est que la souveraineté que peuvent réclamer les autres, elle a ses limites dans la garantie que donne l'État français. L'une est liée à l'autre. Et il est bien évident, Monsieur le Président, que la nécessité de cette solidarité et la nécessité du lien entre la liberté de chacun et la garantie, vous venez de la donner vous-même. Car à la suite de vos paroles, il est évident que le franc CFA demain s'effondrerait s'il n'avait pas la garantie de l'État français. 1972, c'est une menace presque du président Georges Pompidou, Marcel Zé-Belinga, quand on entend ça. C'est sûr que c'est un échange qui n'a rien de très diplomatique. Alors, vous voyez, cette réaction est très étonnante. Elle est étonnante à plusieurs égards. Celui qui fait la critique, qui fait cette critique, donc le président Gnassingbé Eyadema, est connu pour avoir pris le pouvoir au Togo à la suite d'un coup d'État. Et ce coup d'État a été perpétré contre le président Olympio, qui lui voulait sortir de la zone franc et qui avait tout un projet, monter un projet pour battre sa propre monnaie. Il voulait avoir un franc togolais, etc. Donc celui qui le remplace et qui est donc plutôt pour le franc CFA en vient, allez, une décennie plus tard, à porter une critique majeure. À peine diplomatique vis-à-vis du président qui représente en fait le franc français. Et le fond, c'est pour vous dire d'où on part. Il y a un vrai problème avec cette monnaie. Le fond de la critique, il se situe où ? Il y a une dévaluation en 1969. Cette dévaluation fait très mal aux pays africains parce que quand vous faites une dévaluation, bah, les dettes, elles coûtent plus cher, elles vous coûtent plus cher pour le pays endetté. Vous avez également vos importations qui vous coûtent plus cher. Vous avez vos réserves de change qui peuvent fondre, etc. Donc l'ensemble des pays africains a très très mal ressenti cette dévaluation, d'autant plus que en réalité, dans les années 60, ils ont passé des accords de coopération. Il y a eu des accords de coopération qui définissaient les relations, la façon dont devait se gérer le franc CFA. Et il est prévu dans les accords que la France consulte les pays africains, puisque la parité est fixe et que toute variation du franc français entraîne une variation du franc CFA. Donc il est prévu qu'ils soient au moins prévenus, consultés, pour qu'ils prennent leurs dispositions. La dévaluation a été faite sans les prévenir et donc ils l'ont tous mal prise. Ça, c'était le cas du président Eyadema, le président du Niger, qui a fait une proposition d'ailleurs de plus d'autonomie, de modification avec l'économiste Samir Amin, entre autres. Et donc tous les pays étaient sur la ligne, en fait, quelque part, la ligne d'Eyadema, vous voyez. Mais la réaction du président Pompidou a été, voilà, de dire sans notre garantie, en gros, votre monnaie ne vaut pas grand-chose. À l'arrivée quand même, cette critique-là, qui en a entraîné d'autres, a entraîné quand même un certain nombre de modifications, comme par exemple le fait que les réserves, finalement, on est passé de 100% des réserves à 65% des réserves qui devaient aller au trésor public. Et puis, il y a eu une africanisation des cadres et progressivement, les banques centrales africaines, donc d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, dont les sièges étaient à Paris, bon, les sièges ont été délocalisés en Afrique, etc. C'est de l'africanisation de la banque, de la zone franc, mais les grands principes sont restés les mêmes. Voilà, c'est ça. Ça a rassuré un peu pour éviter les critiques, parce que les critiques ne sont pas seulement politiques, parfois les critiques viennent des artistes. La vraie souveraineté, c'est d'avoir un président honnête et pas marionnette. On est fatigué des indépendances, cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha-cha. La combine commence par une confusion. Nous escroquer était votre intention. Transfert de compétences ou indépendance. Vous profitiez de notre ignorance. Tandis que nous dansions votre cha-cha-cha. vous contrôliez notre CFA. Vous contrôliez notre CFA. On est fatigué des indépendances, cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha là. On est fatigué des indépendances, cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha là. Vous vous êtes accaparé de notre CFA, piller tous nos etc. 50 ans de zigzag, zigzag politique. 50 ans d'esclavage, esclavage économique. Les décisions de la BCAO sont prises à Francfort et non à Bamako. Les décisions de la BAC sont prises à Francfort et non au Congo. Ça c'est pas réglo, pas du tout rigolo. On est fatigué des indépendances, cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. Oui, mais on n'est jamais fatigué d'écouter Alpha Blondie, le cha-cha-cha du CFA dans le corps de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Aujourd'hui, l'histoire du franc CFA, l'histoire de la dernière monnaie coloniale, Olivier Vallée. D'ailleurs, cette expression « dernière monnaie coloniale », vous l'acceptez ? Je ne sais pas si elle est vraiment encore coloniale, je dirais plutôt post-coloniale. Mais revenons au passé et au Togo. Je crois que chaque pays a une trajectoire et un rapport particulier avec le franc CFA et a, d'une certaine façon, un avantage comparatif ou une faiblesse particulière. Le général Eyadema a été sous-estimé dans sa stratégie économique et commerciale. Tous les deux, Pompidou et Eyadema, ne parlent pas de la même chose. La réponse que fait Pompidou, même s'il a travaillé chez Rothschild, est une réponse qui a été préparée et qui ne répond pas à la question. Je pense qu'il y a eu des fuites dans cet échange, et qu'on a préparé une réponse à Pompidou qui n'était pas du tout ad hoc. Ce que voulait Eyadema, qui a initié une stratégie qui est assez fine, comprenant que son pays n'avait que très peu de ressources, les phosphates ne sont pas encore rentrés en exploitation, c'est de parasiter le Ghana par des importations massives à partir de Lomé. Et comme le Ghana a pratiqué le contrôle d'échange, il est très difficile pour les commerçants ghanéens de se fournir en tissu, en alcool, etc. Et Eyadema décide d'abaisser les taxes douanières, qui sont les principales recettes de son État, pour jouer sur la réexportation massive, pour que les Ghanéens, dont la monnaie est également dans une situation dégradée, puissent acheter au Togo, il faut à tout prix que le franc CFA soit moins fort. Donc c'est ça qu'il demande, et il a quelques légitimités qui ne sont pas reprises dans l'extrait, bien entendu. C'est que le Ghana n'est pas une colonie. Le Ghana est un pays sous mandat qui s'est retrouvé annexé à la zone franc sans qu'on lui demande son avis. Il y a déjà une très forte influence des Allemands au Togo, en particulier Franz Josef Strauss, qui est un ami du général Eyadema, qui a énormément investi et qui lui dit qu'il a un rôle à jouer. ce que, et Yadema va faire, la Suisse va mériter, jusqu'à peu près à la grande crise bancaire et financière de la zone franc, ou à la fin des années 90, va mériter le titre de Suisse de l'Afrique. C'est le point de refuge de tous les pays instables, du Bénin à côté, mais même des pays de l'Interland comme le Mali, qui dépose, et le Niger bien sûr, qui dépose les avoirs des personnes aisées dans les banques qui sont installées. C'est un marché bancaire beaucoup plus ouvert que dans les pays de l'Interland de la zone franc. Et donc, il y a une véritable expansion de Lomé comme place commerciale et financière qui doit beaucoup à la politique d'Yadema et sans doute à ses conseillers allemands. Un très bon exemple là, parce que ici, dans cette histoire-là, il y a plein d'acteurs, parce qu'il y a chaque pays d'Afrique, il y a évidemment la France, il y a la Banque mondiale, il y a le FMI, puis ce sont les rapports entre les pays d'Afrique et la France, les pays d'Afrique et le reste du monde, et puis les pays d'Afrique entre eux. Martial Zemelinga, dans l'histoire du franc CFA, on voit bien que, et toujours dans les histoires de monnaie, ce sont des équilibres, mais alors là, pour obtenir un équilibre avec tous ces acteurs et toutes ces contraintes, c'est extrêmement difficile, surtout quand la France entre elle-même dans une crise économique ces années 1970. C'est évident que cet espace, il a une logique et une seule. C'est pour ça que entre les pays qui sont supposés appartenir à la même zone monétaire, etc., il y a relativement peu d'échanges. Bon, un petit peu en Afrique de l'Ouest, autour de, on va dire, 20%, un peu plus du PIB. En Afrique centrale, très peu, moins de 10%. Parce que l'homogénéité et la logique, c'est une logique verticale par rapport à la France. Il n'y a pas à chercher des cohérences entre les pays, il y a à chercher une cohérence entre les besoins de la France. Et donc, l'espace est conçu pour, d'une façon ou d'une autre, servir d'espace ou d'extractif ou espace de transfert de matières premières, etc., principalement de la France, des pays africains vers la France, en servant également de débouchés aux principales grandes entreprises françaises, etc. C'est ça la logique. C'est pour ça qu'entre les pays, il n'y a pas forcément une grande cohérence. Il y a des écarts énormes. Vous avez des pays dont on dit qu'ils seraient pré-émergents, comme la Côte d'Ivoire. Vous en avez qui sont considérés comme des pays très, très pauvres, PMA. Bon, c'est toujours un peu connoté comme expression, il faut s'en méfier. Mais en fait, c'est la cohérence de cet espace n'est pas du tout, ne se trouve pas dans les relations, disons, intra-zone. La cohérence se situe dans le rapport à la France. Je rebondis, si vous permettez, d'un mot sur l'expression monnaie coloniale ou post-coloniale. Je propose autre chose, malheureusement. Je propose monnaie hyper-coloniale. Pourquoi hyper-coloniale ? Voyez-vous, lors du passage à l'euro, le passage à l'euro s'est fait d'ailleurs sans que les pays africains aient donné leur point de vue. Il y a eu un référendum en Europe, etc., etc. Et les pays africains ont hérité de l'euro. On peut en discuter. Le pays africain hérite de l'euro comme monnaie ancre sans que les pays n'aient été véritablement consultés. Et il se passe quoi désormais ? Il se passe que depuis le 23 novembre 1998, le Conseil européen prend donc une décision qui, pour moi, elle est emblématique de ce qu'est le franc CFA. Et le Conseil européen dit que pour tout changement au sein du franc CFA, relativement substantiel, le changement doit obtenir l'accord de l'Union européenne, c'est-à-dire de la Commission, de la Banque centrale, mais également du Comité monétaire et financier. Mais le changement qui pourrait intervenir au sein de la zone ne peut être demandé que par la France. Du coup, les pays africains, ils ont une première tutelle, c'est la France, mais ils ont une deuxième tutelle, c'est finalement l'Union européenne. C'est pour ça que je parle de non plus d'une monnaie coloniale, puisqu'on n'y est plus, mais d'une monnaie hyper-coloniale, parce que c'est une monnaie qui a une double tutelle, et que n'importe quel pays européen, a priori, dans les textes, pourrait donner et mettre un avis, éventuellement un veto, à une proposition faite par un pays africain au sein de la zone, même s'ils n'ont pas énormément de relations monétaires et financières, juste du fait d'appartenir à l'Union européenne. C'est des choses quand même qui sont extrêmement étonnantes. Là, c'est une décision prise en 1998. Je pense que tout le monde devrait lire ce texte. C'est quand même assez particulier. Le texte se termine en disant explicitement « Cette décision s'adresse à la France ». C'est-à-dire que les pays concernés, les pays africains, ne sont même pas cités, ils ne sont même pas considérés comme acteurs de cette relation. C'est presque lunaire. Olivier Vallée. Je pense qu'il faudrait distinguer les phénomènes monétaires, les phénomènes politiques et les phénomènes commerciaux. Cette tutelle bureaucratique qui est mentionnée par Martial Bezelinga n'est pas le reflet ou n'est pas la superstructure d'une situation qui serait une situation de contrainte commerciale. Quand je parle de 1972 à Lomé et du franc CFA, toutes les marchandises qui sont achetées et revendues au Ghana ne viennent pas de France. Il y a du Bazin d'Autriche, il y a du Bourbon des États-Unis, il y a du vin portugais. C'est extrêmement divers comme flux commerciaux, et comme flux commerciaux aujourd'hui, la plupart des matières premières africaines sont vendues aux Émirats Arabes Unis, sont vendues à la Chine, absolument pas à la France. Donc il n'y a plus aucune correspondance, aucune corrélation entre monnaie, commerce et politique. Et pour terminer, je dirais que quand il y a une impasse économique et monétaire, comme en 72, l'issue est une issue politique qui sera rarement utilisée. Avec ici une question authentiquement politique, on l'entend bien dans cette histoire du franc CFA. Merci vraiment à tous les deux, parce que l'histoire que nous mettons en place ici et que vous nous avez l'un et l'autre raconté, vous êtes tous les deux chercheurs en économie, Martial Zebelinga et Olivier Vallée, c'est la mise en place de la compréhension de cette actualité monétaire en Afrique qui concerne, disons-le, le quotidien de millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Et c'est ça qui est important aussi de rappeler quand on parle de monnaie. Merci vivement à tous les deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment l'instruction publique est-elle devenue l'éducation nationale ? En cette période de rentrée des classes, il m'a semblé utile de jeter un petit regard rétrospectif sur l'histoire du monde enseignant et du public auquel il s'adresse. Le ministère de l'Éducation nationale a été intitulé pendant longtemps « ministère de l'instruction publique ». Même si les deux expressions sont souvent considérées comme des synonymes, en réalité, elles traduisent deux conceptions de l'enseignement public qui se sont longtemps affrontées. Les acteurs de la Révolution française n'utilisaient pas indifféremment les deux formules pour les désigner. En 1792, par exemple, Rabaut-Saint-Étienne avait déjà clairement établi la différence en affirmant « Il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. L'instruction publique éclaire et exerce l'esprit. L'éducation nationale doit former le cœur. » Autrement dit, l'éducation nationale relevait d'un projet politique qui attribuait à l'État la mission de modeler complètement l'esprit des futurs citoyens. Condorcet considérait, à l'inverse, que l'éducation publique doit se borner à l'instruction. À ses yeux, l'État devait donc se contenter d'une intervention limitée à l'acquisition des connaissances de base. En 1824, le premier ministère spécialement réservé aux questions d'enseignement fut intitulé « Ministère de l'instruction publique », car le gouvernement du roi Charles X voulait rompre définitivement avec l'idéologie républicaine. Il fallut attendre la chute du Second Empire en 1870 et le retour de la République pour que l'éducation nationale réapparaisse dans les déclarations officielles. Ce fut le cas notamment dans un discours de Jules Ferry, affirmant « La volonté de fonder chez nous une éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit, que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Pourtant, les fondateurs de la Troisième République n'osèrent pas modifier le nom du ministère, qui resta celui de l'instruction publique jusqu'en 1932. C'est sous l'impulsion du leader radical Édouard Herriot que triompha enfin l'éducation nationale. Preuve que, même à cette époque, un tel intitulé n'allait pas de soi, le 11 juillet 1932, Anatole de Monzy, qui fut le premier ministre de notre éducation nationale, prononça un grand discours dans lequel il s'efforça longuement de justifier le nouvel intitulé. Il énuméra la liste des grands hommes qui avaient privilégié cette expression dans le passé, parmi lesquels Turgot, Rousseau et Robespierre. Le but était de montrer que l'éducation nationale défendait un idéal d'égalité scolaire, de gratuité de l'enseignement et l'obligation pour l'État d'orienter les aptitudes enfantines et juvéniles. Cette ambition était résumée par une formule vantant les mérites de l'école unique. Aujourd'hui, malgré les différences programmatiques, aucun mouvement ne semble remettre en cause l'innovation linguistique de 1932. Ce qui a changé, c'est sans doute la manière de concevoir les rapports entre l'école publique et l'école privée, sujet auquel je consacrerai prochainement une autre de mes chroniques. Nous sommes impatients, Gérard Noiriel, merci beaucoup et bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier Mauduit. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire, Valérie, ah, ça ira. Ça ira, oui, en effet, la haine des élites. C'est le titre du grand dossier dans l'histoire, la haine des élites de Périclès à Trump. Eh oui, on a choisi de traiter ce sujet à cause sans doute de son actualité, hein, les décapitations de carton-pâte des manifestations de 2018-19, l'assaut du Capitole par les partisans mal inspirés d'un Donald Trump qui était désavoué par les urnes. La violence du peuple qui fait peur à certains et face à laquelle il est tentant parfois d'avoir des explications de nature anthropologique, c'est-à-dire, la violence venue du fond des âges. Alors, on a voulu s'attaquer à ce sujet, c'est un peu périlleux, mais en historien, parce que d'abord, l'élite, ça n'existe pas, cette vision binaire est un peu simpliste, le peuple et les élites, bien sûr, il y a un feuilletage des élites, un renouvellement, et surtout, on montre que c'est historique. La violence, la forme de la violence en France, par exemple, remonte très clairement à la Révolution, au XVIIIe siècle, la formation d'une opinion publique. Les journaux, les manipulateurs de haine, Pierre Cerna nous fait un portrait de Marat très efficace dans ce domaine. Les aristocrates à la lanterne, on voit d'où vient, il y a évidemment, effectivement, un contrôleur général pendu à un réverbère à Paris en juillet 89. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est la permanence du répertoire. C'est-à-dire, avec, à la faveur de l'explosion de la presse populaire au XIXe siècle, sous la République en France, hein, Nicolas Delalande nous explique bien ça, la permanence contre des attaques, contre les gros, les gras, les riches, les corrompus, les inutiles, les polytechniciens qui ne savent rien, les intellectuels aux mains blanches, et les 200 familles. L'expression a fait florès, elle est de Daladier, elle inspire notre couverture. Il faut reconnaître que le juif n'est jamais loin. Hein. Oui, l'antisémitisme est très présent. Le juif n'est jamais loin. Mais c'est une expression qui dure et qui aujourd'hui encore flotte un peu dans nos imaginaires. Alors, bien sûr, ça n'est pas réservé aux démocraties ni aux républiques, la haine des élites. Mais cette forme particulière, et ça, je crois que Nicolas Delalande nous le montre bien, il y a cette forme particulière qui est liée à la promesse démocratique, à la promesse de la République, l'idée que les élites peut-être sont nécessaires, mais qu'il faut qu'elles se renouvellent, qu'il y a la méritocratie, qu'il y a l'école. Et c'est dans cet intervalle-là, hein, ce ressentiment lorsqu'il n'y a plus confiance dans la méritocratie, évidemment, peut se déchaîner la crise. Et comme l'écrivait l'encyclopédie, lorsque le sang commence à couler, on ne peut plus l'arrêter. Merci beaucoup Valérie Hanin, d'où la pertinence d'avoir fait un petit tour dans la Grèce antique pour réfléchir à la démocratie et à l'ostracisme. Aussi, évidemment. Merci Valérie. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Dudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizio. Écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.